Viens visiter ma cave. Chanson pour Cindy, prise 19. 1, 2, 3, 4. Que fais-tu ce soir, cher ami? Je pourrais inviter mes chers amis. Et nous irions voir mon Itamur. Là où les petits raccourent. Viens visiter ma cave, chérie. La chienne de Patrick a eu des petits. Viens visiter ma cave, chérie. Il y a une équipe de rugby. Fais-toi une place dans mes poubelles. Et enfile ce carton, t'es pas très belle. Les boutons s'arrêtent des ors. Comment veux-tu qu'ils se portent? Mais viens visiter ma cave, chérie. Nous avons l'autorisation de la mairie. Viens visiter ma cave, chérie. On t'insufflera la vie. C'est pas que j'ai pas confiance, mais j'ai dit aux gars de se protéger. Il paraît que l'an dernier, t'as visité le grenier du plombier. Viens visiter ma cave, chérie. Et s'il te plaît, ne repars pas le vide. Viens visiter ma cave, chérie. Plein de gens en ont envie.